الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers et sœurs, nous en sommes toujours au chapitre sur la description de la prière mentionnée par le Cheikh Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala dans son livre intitulé Adab al-Mashi ila al-Salah. Dans le cours dernier, nous avons vu la description de l'inclination et du redressement de l'inclination, ainsi que les paroles légiférées à prononcer durant celle-ci. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné les questions liées à la prosternation. Et il a dit, rahimahullah, « ثم يكبر ويخر ساجدا » Ensuite, il prononce le takbir et il tombe en prosternation. وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْ فَيَضَعُ رُقْبَتَيْ ثُمَّ يَدَيْ ثُمَّ وَجْهَ Il dit, et il ne lève pas les mains durant ce takbir, et il pose tout d'abord ses genoux, puis ses mains, puis son visage. Donc après être redressé de l'inclination, et être resté un temps debout après l'inclination, en prononçant les paroles qui sont légiférées. Tu vas prononcer le takbir en te prosternant et dire Allahu Akbar. Et l'auteur, rahimahullah, nous dit qu'on ne lève pas les mains pour ce takbir. Et ce car, il considère qu'il n'est légiféré de lever les mains pour le takbir qu'à quatre moments de la prière. Pour le takbir de sacralisation, pour le takbir lorsque l'on s'incline, pour la parole Sami'Allahu liman hamida lorsqu'on se redresse de l'inclination. Et lorsqu'on prononce le takbir pour se lever, pour la troisième unité. En dehors de cela, il considère qu'il n'est pas légiféré de lever les mains. Toutefois, il est rapporté de certains compagnons, radiyallahu anhum, qu'ils levaient les mains lorsqu'ils prononçaient le takbir pour aller en prosternation et pour s'en relever. Donc, comme l'a mentionné l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de gêne à le faire de temps à autre, Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, qu'il est légiféré de poser tout d'abord les genoux, puis les mains, puis le visage. Et cette manière de se prosterner est celle qu'ont soutenu certains parmi les gens de science, en se basant sur ce que l'on rapporte de Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, qui aurait dit à ce sujet, « J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se prosternait, posait ses genoux avant ses mains. Et lorsqu'il se levait, il levait ses mains avant ses genoux. » Et ce hadith est rapporté par les imams An-Nasa'i al-Tirmidhi, rahimahum Allah ta'ala. Toutefois, l'imam al-Albani, rahimahullah, a mentionné que leurs chaînes de transmission sont faibles. Ce hadith ne peut donc pas servir d'argument à ce sujet. Et d'autres parmi les gens de science ont donc considéré que ce qui est légiféré est de faire précéder les mains, c'est-à-dire de poser d'abord ses mains, puis ses genoux, puis son visage. Et cela est ce qui est venu dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i rahimahumallah ta'ala et authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous se prosterne, qu'il pose ses mains avant ses genoux et qu'il ne s'accroupisse pas à la manière du chameau. » Et qu'il ne s'accroupisse pas à la manière du chameau. Donc on voit que ce qu'il y a de plus authentique à ce sujet est de poser les mains avant les genoux. Toutefois, ceci reste une question sujette à divergence entre les gens de science. Et ce qui est blâmable et réprouvé est de s'accroupir à la manière du chameau. Et chacun des deux parties a considéré que la manière qu'il a jugée juste de se prosterner est contraire à celle du chameau. Ceux qui ont dit que l'on mettait d'abord les genoux avant les mains ont dit que le chameau s'accroupit en posant d'abord ses pattes avant, avant ses pattes arrière. Donc ils ont dit en posant les genoux en premier lieu, on s'oppose à la manière de faire du chameau. Et ceux qui ont considéré que les mains devaient être posées avant les genoux, Ils ont dit que si on plie les genoux pour se poser au sol, on aura ainsi agi de la même manière que le fait le chameau qui plie ses articulations. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet que la prière des deux manières est permise à l'unanimité des savants. C'est-à-dire que tu poses tes genoux ou tes mains en premier, ceci est permis. Si le prieur souhaite poser ses genoux avant ses mains, et s'il veut poser ses mains avant ses genoux, sa prière est valide dans les deux situations à l'unanimité des savants. Mais ils ont divergé à savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux à ce sujet. Est-ce qu'il est préférable de poser ses mains en premier ou ses genoux? Et comme vous l'avez entendu, ce qui paraît être le plus juste, comme l'a mentionné l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, est que l'on pose les mains avant les genoux étant donné l'authenticité du hadith rapporté à ce sujet. Et le shaykh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, a mentionné ici dans son commentaire que cette question est une question sur laquelle on fait preuve de souplesse. Toutefois, le prieur devra faire en sorte de s'écarter de la manière de s'accroupir du chameau. Et il a expliqué cela en disant que c'est le fait de laisser son corps tomber sur le sol avec force et vigueur, en se laissant tomber, comme le font certaines personnes lorsqu'ils se prosternent, qui jettent leur corps d'un coup au point que l'on entend un bruit lorsque leurs genoux atteignent le sol. Et, selon la parole du Cheikh Hafidahullah Ta'ala ici, c'est cela qui est blâmable. Wallahu Ta'ala A'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah Ta'ala, a dit وَيُمَكِّنُ جَبَهَتَهُ وَأَنْفَهُ وَرَاحَتَيْ مِنَ الْأَرْضِ. Et il pose fermement son front, son nez et les paumes de ses mains sur le sol. Donc ici, il nous indique que lorsque tu te prosternes, ces membres-là doivent bien toucher le sol. Et tu ne dois pas simplement effleurer le sol, mais tous ces membres doivent être posés fermement sur le sol. Ton front, ton nez et les deux paumes de tes mains, ainsi que tes genoux et l'extrémité de tes pieds comme cela arrive. Il dit « وَيَكُونُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ » Et il se pose aussi sur l'extrémité de ses doigts de pied. مُوَجِّهًا أَطْرَافَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ En orientant l'extrémité de ses orteils vers la Qibla. C'est cela la manière correcte de se prosterner. Et il dit وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَ رُكْنٌ Et le fait de se prosterner sur ces sept membres est un pilier. Et quels sont ces sept membres? On a dit le front. Et il comprend également avec lui le nez, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des deux pieds. Ceci est ce qui est venu dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On m'a ordonné que je me prosterne sur sept membres, sur le front, et il indiqua avec sa main son nez, c'est-à-dire que le front comprend également le nez, les deux mains, les deux genoux, et les extrémités des deux pieds. » Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala. Et comme l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mentionné, le fait de se prosterner sur ses sept membres est un pilier parmi les piliers de la prière. Ceci ne doit donc pas être négligé. On trouve certaines personnes parfois qui vont négliger la prosternation. Il va se prosterner et il ne va pas poser les extrémités de ses pieds au sol. Il va les relever. Ou alors, il ne va pas poser son nez au sol. Ou alors, il n'aplatit pas ses mains au sol. Il va relever ses paumes, il laisse ses mains ouvertes, sans aplatir ses mains sur le sol. Et tout ceci est une erreur et s'oppose à la manière correcte de se prosterner. Il est indispensable que tu poses fermement tes membres sur le sol. Le front avec le nez, les paumes de tes mains, tes deux genoux, et les extrémités de tes deux pieds. Et comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah, les extrémités des orteils sont dirigées vers la Qibla. Donc tu ne poses pas tes pieds sur le sol en les orientant dans la direction contraire à la Qibla. Mais tes orteils sont orientés vers la Qibla lorsque tu te prosternes. Ensuite il dit, rahimahullah, وَيُسْتَحَبُّ مُبَاشَرَةُ الْمُصَلِّ بِبُطُونِ كَفَّيْهِ وَضَمِّ أَصَابِعِهِمَا مُوَجِّهَا إلى القبلة غير مقبولة. Donc ici, il nous décrit la manière de poser les mains. Il dit qu'il est recommandé que le prieur pose les paumes de ses mains, c'est-à-dire sur le sol, qu'il oriente ses doigts, les doigts de ses mains, en direction de la Qibla, et qu'il ne replie pas ses mains, c'est-à-dire qu'il ne se prosterne pas en ayant les poings fermés. Ensuite, il dit « Rafi'an mirfaqay » en relevant ses avant-bras, c'est-à-dire qu'il est détestable de se prosterner en posant ses avant-bras et ses coudes sur le sol. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique « Soyez modérés dans la prosternation et que l'un d'entre vous n'allonge pas ses avant-bras à la manière du chien » selon le sens du hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala. Donc il fait partie de la sunnah que seules tes mains soient sur le sol et non pas tes avant-bras. Et il est recommandé que tes mains soient posées sur le sol à hauteur de tes épaules ou de tes oreilles, comme cela est rapporté dans différents hadiths authentiques. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa tukrah as-salah fi makanin shadid al-har aw shadid al-bard li'annahu yudhhib al-khushu'. Et il est détestable de prier dans un endroit très chaud ou très froid. Et ce car ceci fait perdre la quiétude. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, comme vous l'avez entendu, il nous a expliqué qu'il est demandé aux prieurs de poser fermement ses membres sur le sol, ses genoux, les extrémités de ses pieds, c'est-à-dire ses orteils, orientés vers la Qibla, les paumes de ses mains, son front et son nez. Et pour ce faire, le prieur va éviter de prier dans un endroit où il ne sera pas confortable. En effet, si le sol est très chaud ou si le sol est très froid, il se peut que le prieur ait du mal à se prosterner comme il se doit. C'est pour ça qu'il est détestable de prier dans un tel endroit, au risque de te faire perdre ta quiétude. Et il en est de même concernant tout endroit qui te fera perdre ta concentration en prière, comme le fait de prier à côté d'une personne de laquelle se dégage une mauvaise odeur. Il n'y a pas de gêne à t'écarter d'une telle personne, et ce afin de préserver ta quiétude et ta concentration en prière. Ou alors de prier, lorsque tu pries à l'extérieur et en plein air, sur un sol où il y a des cailloux ou des épines ou de la terre fine qui pourrait te déconcentrer durant ta prière. En effet, les épines pourraient te nuire également, les petits cailloux pourraient te gêner lors de ta prosternation et te rendre cette position inconfortable, et donc te pousser à te relever rapidement de cette prosternation, te faisant perdre ainsi une part de ta quiétude en prière, et c'est pour cela que cela est détestable. Car comme on l'a vu dans des cours précédents, al-khushu', la quiétude ou l'humilité, c'est l'essence même de la prière. C'est cela qui est recherché à travers la prière. Et ce khushu', c'est la présence du cœur dans la prière. Et si tu pries dans un endroit qui est chaud, où le sol est trop chaud en été, ou alors que tu pries sur un sol qui est trop froid, ou un sol qui est épineux ou autre, il se peut que ceci te dérange et te préoccupe durant ta prière. Et comme on le sait, il ne nous est écrit de notre prière que ce que l'on a accompli de celle-ci d'un cœur présent, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma selon ce qu'on rapporte de lui. Tu n'as de ta prière que ce que tu as raisonné, c'est-à-dire que ce que tu as fait d'un cœur présent. Et dans le hadith authentique, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'homme termine sa prière et il ne lui inscrit de celle-ci que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 5e, le 4e, le tiers ou la moitié. Il ne lui inscrit que cela en termes de récompense. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les différents prieurs à ce sujet? C'est le khushu', la présence du cœur dans la prière. Donc lorsque tu t'apprêtes à prier, tu dois veiller à choisir un endroit dans lequel ne se trouve rien qui risque de te distraire durant ta prière, ou rien qui t'empêchera de prier avec quiétude, humilité et concentration afin de pouvoir accomplir ta prière d'un cœur présent. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit ويصن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبي وبطنه عن فخذي وفخذي عن ساقي. Et il est recommandé pour celui qui se prosterne d'écarter ses bras de ses hanches, comme cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il se prosternait, écartait ses bras de ses hanches au point que l'on voyait la blancheur de ses aisselles sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Et de la même manière, le prieur va écarter son ventre de ses cuisses lorsqu'il se prosterne et ses cuisses de ses mollets. C'est-à-dire qu'il ne va pas se recroqueviller dans sa prosternation. Il ne doit pas se prosterner en boule. Et il ne doit pas non plus exagérer au point de presque s'allonger. Mais il doit se prosterner entre ceci et cela, de manière modérée, sans rapprocher excessivement ses membres les uns des autres et sans trop les écarter de sorte à se retrouver presque allongé. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيَضَعُ يَدَيْ حَذْوَ مَنْكِبَيْ. Et il pose ses mains, c'est-à-dire lors de la prosternation, à hauteur de ses épaules. Comme on l'a vu, c'est cela qui est rapporté dans le hadith de Abi Humayd, radiyallahu anhu. Et dans un autre hadith, le hadith de Wa'il, il est rapporté qu'il l'ait posé à proximité des oreilles. Donc, où tu poses tes mains à hauteur de tes épaules, où tu les poses à hauteur de tes oreilles lors de la prosternation. Et comme on a dit, les paumes bien posées au sol et les doigts tendus en direction de la qibla. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَيُفَرِّقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْ وَرِجْلَيْ. Et il sépare et il écarte, il laisse une distance entre ses genoux et entre ses pieds. Donc, lorsque l'on se prosterne, on ne va pas coller ses genoux l'un à l'autre. Mais il y a une distance qui sépare les deux genoux. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il en est de même concernant les pieds, que ceux-ci sont écartés l'un de l'autre. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de science qui se sont prononcés à ce sujet. Et ils ont pris pour preuve ce que l'on rapporte concernant la recommandation d'écarter les genoux et les cuisses lorsque l'on est en prosternation. Et ils ont dit, étant donné que cela est rapporté concernant les genoux et les cuisses, il en est alors de même concernant les pieds. Toutefois, le hadith en question est un hadith qui a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Celui-ci ne peut donc servir d'argument sur cette question. Deuxièmement, il est confirmé dans un autre hadith qui lui est un hadith authentique, d'après Aïcha radiyallahu anha, qu'elle trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam prosterné avec ses talons serrés, c'est-à-dire que ses talons étaient collés l'un à l'autre durant sa prosternation sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il y a de plus juste sur cette question est la sunna concernant la prosternation et de serrer ses pieds l'un à l'autre, contrairement aux genoux et aux mains qui seront écartées. On ne colle pas sa main droite à sa main gauche, ni son genou droit à son genou gauche, mais ils sont écartés l'un de l'autre. Par contre, les pieds, ils sont collés l'un à l'autre. On colle le talon droit au talon gauche durant la prosternation et on dresse ses pieds, les orteils, en direction de la Qibla. Et cela est ce qui est rapporté dans les descriptions de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Abu Humayd al-Sa'idi radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam orientait les extrémités de ses orteils en direction de la Qibla. Et ceci est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et comme on a dit, les deux pieds sont serrés l'un à l'autre selon l'avis le plus juste parmi les avis des gens de science. Et l'auteur rahimahullah ta'ala n'a pas mentionné ici la formule de rappel à prononcer lors de la prosternation. Et ce car il y avait fait allusion lors de la description de l'inclination. Et on a vu qu'il est légiféré de dire lors de la prosternation « Subhana Rabbi al-A'la » « Pureté à mon Seigneur, le Très-Haut ». Il est obligatoire de prononcer cette formule au moins une fois. Le minimum de la perfection est de la prononcer trois fois. Et il est recommandé pour l'imam de la prononcer environ une dizaine de fois. Et il est permis de la répéter plus que cela lorsque tu pries seul et surtout si tu as prolongé la station debout en récitation. Car l'inclination et la prosternation seront proportionnelles au temps que tu es resté debout à réciter le Coran. Et il est aussi légiféré lors de la prosternation, comme on l'avait mentionné dans le cours dernier, de dire « Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Pureté à toi, ô Allah, notre Seigneur, et louange à toi, ô Allah, pardonne-moi. » Ceci est une des formules de rappel authentique, rapportée et qui est légiférée de prononcer en prosternation. Et comme on va le voir, il est également légiféré de multiplier les invocations et cela vient dans les paroles de l'auteur. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا » Ensuite, il relève sa tête en prononçant le takbir et il s'assoit « مُفْتَرِشًا ». Donc il va nous décrire ici la manière de s'asseoir entre les deux prosternations. Cette assise qui fait partie des piliers de la prière. Il est obligatoire pour le prieur de s'asseoir entre les deux prosternations et de marquer un temps d'arrêt durant cette assise. Et durant cette assise, il est légiféré l'assise d'al-iftirash. Et il nous dit « يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَيُخْرِجُهَا مِنْ تَحْتِهِ » Et cette assise, elle consiste à allonger son pied gauche sur le sol, en posant le dessus de son pied sur le sol, et à s'asseoir dessus, et à dresser le pied droit, et à ne pas le laisser sous soi. وَيَجْعَلُ بُطُونَ أَصَابِعِهَا إِلَى الْأَرْضِ لِتَكُونَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهَا إِلَى الْقِبْلَةِ Et il met le dessous de ses orteils sur le sol, afin que l'extrémité de ses orteils soit en direction de la Qibla. Le hadith d'Abi Humaïd, fi sifati salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est venu dans le hadith d'Abi Humaïd, dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est venu dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait son pied gauche et s'asseyait dessus. Et dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, il a dit « Il fait partie de la sunna dans la prière de dresser son pied droit et d'orienter ses orteils vers la qibla et de s'asseoir sur son pied gauche. » Donc cette assise est l'assise que l'on appelle l'assise del iftirash. Vous avez donc compris que le prieur s'asseyera sur son pied gauche dont le dessus est allongé sur le sol, étendu sur le sol. Et le pied droit n'est pas en dessous de lui, mais il est à sa droite, dressé, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire au sol. Les orteils sont pliés et sont en direction de la Qibla. C'est cela, la sunna, lors de cette assise. Et cette assise est la même lors du premier tashahhud, comme on le verra dans le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Donc vous voyez à travers cela l'erreur de nombreux prieurs qui pratiquent cette assise de manière erronée. Et ce, en s'asseyant sur leurs deux pieds, en pliant les orteils du pied droit, sans les orienter vers la Qibla, et en s'appuyant dessus également. Ils laissent leur pied droit en dessous de leur postérieur, et ceci est une erreur. La sunna est que le pied droit soit dressé, qu'il ne soit pas sous ton corps, qu'il soit perpendiculaire au sol, et que tes orteils soient en direction de la Qibla. Ensuite, il dit, rahimahullah, باسطاً يدي على فخذي مضمومة الأصابع en étendant ses mains sur ses cuisses, les doigts joints. Donc lors de cette assise, tu poses tes deux mains, ta main droite sur ta cuisse droite, ta main gauche sur ta cuisse gauche, en étendant tes doigts, les rapprochant les uns des autres, les laissant orientés en direction de la Qibla. Ensuite il dit, rahimahullah, ويقول رب اغفر لي. Et il dit, donc après s'être assis de cette manière, « Rabbi khfirli, ô mon Seigneur, pardonne-moi. » On voit donc que cette assise est aussi une des positions et un des moments lors desquels le prieur va invoquer durant sa prière. Et il va plus particulièrement invoquer en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon. En disant cette formule qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam رب اغفر لي. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit Ya'ti bihi mirara. Et il prononce cette parole à plusieurs reprises. En effet, il est rapporté de Hudhayfa radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux prosternations Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Il répétait donc cette parole. Et l'obligation est de la prononcer une seule fois. L'obligation est de la prononcer une seule fois. Et ce qui est ajouté à cela est recommandé, mais n'est pas obligatoire. Donc à partir du moment où tu as dit une fois Rabbi ghfirli, tu t'es acquitté de ton obligation. Ensuite il dit, rahimahullah, وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ. Et il n'y a pas de mal à ajouter à cela. لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني رواه أبو داود. Et il n'y a pas de mal à ajouter à cela d'après la parole d'Ibn Abbas رضي الله عنهما qui a dit le prophète صلى الله عليه وسلم disait entre les deux prosternations ô mon Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, accorde-moi ma subsistance et accorde-moi le salut. Donc ceci fait partie des invocations légiférées et recommandées entre les deux prosternations. Comme cela est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporté par Abu Dawud rahimahullah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ce moment-là Allahumma ghfirli, ô Allah pardonne-moi, warhamni, fais-moi miséricorde, wa'afini, accorde-moi le salut. Wahdini, guide-moi, warzuqni, et accorde-moi ma subsistance. Ensuite il dit, rahimahullah, thumma yasjudu thaniya kal-oula. Ensuite, il accomplit la deuxième prosternation comme la première. Donc après être resté assis un certain temps entre les deux prosternations et avoir fait preuve de quiétude dans cette assise, et j'insiste sur cela. On a parlé de l'importance de la quiétude dans le cours dernier. Et cette assise, elle fait partie des piliers de la prière. Et malheureusement, on observe certains prieurs qu'ils se relèvent de leur prosternation et qui, à peine assis, sont déjà en train de repartir pour se prosterner une seconde fois, négligeant ainsi cette assise qui est un des piliers de leur prière et prenant ainsi le risque d'invalider leur prière, wallahu al-musta'an. Donc cette assise, il est important de faire preuve de quiétude durant celle-ci et de marquer un temps d'arrêt durant celle-ci, ne serait-ce que le temps de t'asseoir comme cela est légiféré, tel que l'on l'a décrit, et de prononcer une fois « Rabbi ghfirli ». Ceci est le minimum. Et tu peux ajouter à cela comme on l'a vu. Une fois que tu as accompli cette assise comme il se doit, tu prononces à nouveau le takbir en te prosternant pour la deuxième prosternation. Et la deuxième prosternation est accomplie de la même manière que la première. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous parle ici de l'invocation, qui est légiférée dans la première comme dans la deuxième prosternation. Et il dit « وَإِنْ شَاءَ دَعَ فِيهَا » Et s'il veut, il invoque durant celle-ci. « لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَمَّا السُّجُودِ فَأَكْثِرُ فِيهِ مِنَ الدُّعَى فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ » Et quant à la prosternation, alors multipliez durant celle-ci l'invocation, car vous êtes proche d'être exaucé. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que lorsque tu es en prosternation, tu es dans une situation très propice pour que tes invocations soient exaucées. Il est donc recommandé que tu multiplies les invocations et les demandes que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus que c'est le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur, comme il est venu dans un autre hadith. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc les invocations. Profite de ce moment. Ne le néglige pas. Et adresse tes demandes à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les choses que tu désires, parmi les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Et le mieux, durant la prosternation, comme en toute situation, est de veiller à prononcer les invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces invocations sont les meilleures des invocations. En invoquant, de la même manière que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu as la récompense de son suivi. Tu as la récompense de faire vivre sa sunnah. Et tu as également le bienfait de profiter de ces termes courts et concis et très succincts, réunissant de nombreux sens en quelques mots. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est vu accorder les paroles succinctes, jawami'ul kalim, qui sont des paroles courtes, mais comprenant et renfermant de nombreux sens. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous donne une de ses invocations et il dit « Walahu, ay, les muslims, an Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi sujoudihi » Et il rapporte aussi, c'est-à-dire l'imam muslim, d'après Abu Hurayra, qu'Allah l'agré, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans sa prosternation « Allahumma khfir li dhambi, kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés, les bénins parmi eux, ainsi que les plus graves, les premiers et les derniers, les publics et les secrets, ceux qui ont été commis en privé. » Donc vous voyez que ceci est une demande de pardon générale de l'ensemble des péchés qui peuvent être commis par le serviteur. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Il est donc recommandé pour le prieur de prononcer cette invocation lorsqu'il est en prosternation. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدمي معتمدا على ركبتي لحديث وائل إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. Ensuite, il relève sa tête de la prosternation en prononçant le takbir et en se levant sur le plat de ses pieds, s'appuyant sur ses genoux, c'est-à-dire en posant ses mains sur ses genoux, comme cela est venu dans le hadith de Wa'il, sauf si cela est difficile pour lui en raison de son âge, d'une maladie ou d'une faiblesse. On a vu le hadith de Wa'il nous décrivant la manière de se prosterner concernant le fait de poser les genoux avant les mains et en se relevant de relever les mains avant les genoux. On a mentionné que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a jugé faible la chaîne de transmission de ce hadith. Et il est venu dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah, d'après Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier et que lorsqu'il était dans une unité impaire de sa prière, il ne se relevait pas avant de s'être assis. C'est-à-dire qu'avant de se relever pour la deuxième ou la quatrième unité, dans les prières à quatre unités, il s'asseyait d'une assise courte appelée Jalsatu al-Istiraha, l'assise de repos. Une courte assise qui est faite avant de se relever. Et ce afin que la personne se lève de la position assise et non pas directement de la prosternation. Et cette assise est recommandée et il n'y a aucune formule de rappel à prononcer durant celle-ci. Donc tu te relèves de la prosternation, tu t'assois légèrement sans avoir besoin de t'arrêter durant cette assise, simplement pour ne pas te relever directement de la prosternation. Et ensuite, tu te relèves, selon ce qu'il y a de plus juste, en posant tes mains sur le sol. C'est-à-dire que tu t'aides de tes mains pour te relever en les posant sur le sol. Certains ont dit que tu poses tes mains, les poings fermés, et d'autres ont dit que tu poses les paumes de tes mains sur le sol. Et dans les deux situations, tu veilles à orienter tes doigts en direction de la Qibla. Ensuite, il dit, rahimahullah, et il n'y a pas de différence à ce sujet entre le jeune ou la personne âgée, la personne malade ou celle en bonne santé. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il dit, rahimahullah, ثُمَّ يُصَلِّ رَكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْإِسْتِفْتَاحِ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فِي الْأُولَى. Ensuite, il prie la deuxième unité comme la première. Sauf, quelles sont les différences? Il ne fait pas takbir at al-ihram, il n'y a plus de takbir de sacralisation, car ceci concerne seulement l'entrée en prière. Il ne fait pas non plus al-istiftah, l'invocation d'ouverture, car ceci concerne également le début de la prière, et cela est une chose recommandée. Donc même s'il ne l'a pas fait dans la première unité, il ne la fait pas dans la deuxième unité, comme le dit l'auteur, rahimahullah ta'ala. Et ceci est la différence qu'il y a entre la première et la deuxième unité. Et également, il fait partie des choses légiférées que la deuxième unité soit plus courte que la première. Comme cela est rapporté par Abu Qatada radiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, récité dans les deux premières unités de la prière de Dhuhr, Fatihat al-Kitab, Surat al-Fatiha, et deux surates, c'est-à-dire une surate dans la première unité et une surate dans la deuxième. Et il prolongeait la première et allégeait la deuxième. C'est-à-dire que la première unité et la surate récitée dans la première unité était plus longue que celle récitée dans la deuxième unité. Et dans la prière de l'Asr, il faisait la même chose. Il récitait deux surates et la première unité était plus longue que la deuxième. Et il faisait cela également dans la prière de Subh, la prière d'El Fajr. Il prolongeait la première unité et réduisait la deuxième unité. Et cela est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc ceci sont les différences qu'il y a entre la première et la deuxième unité. Dans la deuxième unité, il n'y a pas de takbir à tal-ihram, il n'y a pas de takbir de sacralisation car on est déjà entré en prière. Il n'y a pas d'invocation d'ouverture car la prière a déjà commencé. Et il est légiféré que la deuxième unité soit plus courte que la première. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, va nous décrire dans le prochain passage le tashahhud, la manière de s'asseoir et les paroles à y prononcer. Et on verra cela, incha'Allah ta'ala, lors du prochain cours. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم